Alors, vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et pour commencer l'émission, nous nous transportons dans un hôpital près de chez nous, à l'Hôtel Dieu de Québec, pour y faire la connaissance d'un robot. Et pour faire les présentations, j'accueille Vanessa Bussière, notre chroniqueuse santé. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors Vanessa, l'Hôtel Dieu a fait l'acquisition d'un robot chirurgical. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous parler tout d'abord là, plus spécifiquement de ce robot-là qui a été acheté par l'Hôtel Dieu de Québec. Mais je vais ensuite là, insister plus sur les effets de l'achat d'un robot en général là, pour un hôpital. Donc, pour ce qui est de l'Hôtel Dieu de Québec, tout a commencé en mars 2010 avec le lancement d'une campagne de financement qui a été menée par le CHUC et qui a permis d'amasser 3,5 millions de dollars grâce à, entre autres, de très, très généreux donateurs, comme par exemple Québecor et la Fondation Germain Bombardier, qui ont chacun contribué avec un don s'élevant à 1 million de dollars. Mais il y a aussi d'autres donateurs là, qui ont été très importants, comme par exemple les Biscuits Leclerc et la Fondation de la famille Lemaire. D'accord. Et est-ce que, en fait, cette somme-là couvre l'achat, en fait, du robot? Oui. En fond, l'objectif de la campagne était de 3 millions de dollars. Ah bon, on okay. l'a dépassé. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on est bien content. Ouais. Donc, les surplus qui ont été amassés ont servi à la création d'un fonds de soutien au développement de la chirurgie oncologique robotisée. Donc, ça pourra servir là, soit à la recherche, soit à l'entretien de la machine dans les prochaines années. Il est intéressant de savoir que la machine qui a été achetée, en fait, il y a une seule compagnie au monde qui... produit des robots pour les chirurgies. Okay. Donc, c'est la seule compagnie à laquelle on pouvait acheter ce robot-là. Elle a vraiment un monopole à la fois sur l'appareil et sur les instruments. Est-ce qu'elle a un nom, cette compagnie? C'est Intuitive Surgical. Et donc, elle est dans quel pays, par curiosité? Est-ce que tu... Bon, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y a énormément de robots qui ont commencé aux États-Unis. Il y en a maintenant beaucoup aussi en Europe. D'accord. Puis ça s'en vient tranquillement vers chez nous aussi. On est le premier dans l'Est du Québec, mais il y en a déjà là, à Montréal et dans d'autres régions. Donc, c'est ça. Donc, cette compagnie-là détient le monopole et a déjà produit là, plusieurs versions du robot. Donc, ce n'est pas la première version. Il y en a déjà d'autres qui ont été prouvées auparavant. L'appareil en soi est composé de deux modules. D'abord, il y a la console où est installé le chirurgien et il y a le chariot qui est équipé de 4 bras robotisés qui est vraiment auprès du patient. Puis, il y a 3 bras qui vont contrôler divers appareils et un bras qui va contrôler une caméra 3D à haute définition, ce qui est une particularité quand même là, du robot. D'accord. Le robot est présentement installé au bloc opératoire de l'Hôtel Dieu de Québec dans une nouvelle salle qui a été spécialement aménagée pour le recevoir. Pour le moment, c'est pas tous les chirurgiens déjà qui peuvent l'utiliser. C'est seulement les chirurgiens qui ont déjà utilisé des robots ou qui ont déjà opéré par la paroscopie. Je vais vous en parler là, un petit peu plus tard. Ils sont présentement en période de formation et d'adaptation. Puis on espère que dès l'an prochain, là, on va pouvoir utiliser le robot à sa pleine capacité si on veut, puis opérer jusqu'à 450 patients par année. Pour l'instant, le robot va être utilisé seulement pour les chirurgies urologiques et gynécologiques. OK. Et oui, en fait, est-ce qu'on peut prescrire, en fait... plusieurs types de chirurgies. Types de chirurgie il y a autre oui. chose que les chirurgies juste urologiques ou gynécologiques. On peut faire aussi des chirurgies cardiaques ou des chirurgies de type digestif, par exemple, pour le traitement de l'obésité. Donc, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça ne sera pas utilisé pour ça là, à l'Hôtel Dieu de Québec. Mais un robot, est-ce que c'est plus précis qu'un chirurgien? Est-ce que c'est... La raison pour laquelle on achète un robot, ou c'est parce que ça peut aller plus vite, c'est une question de productivité. Mais ou... il y a vraiment plusieurs avantages. Oui. Je vais comparer, en fait, là, tout au long de ma chronique, à deux types de chirurgie. D'abord, la chirurgie classique, là, où est-ce qu'on va ouvrir le patient, qui s'appelle la laparotomie, et la chirurgie par laparoscopie, qui consiste à faire des incisions seulement et à insérer des instruments de la même manière que le robot, mais ce ne sera pas avec des bras articulés, et le chirurgien devra manipuler lui-même là, les tirs avec les instruments au bout. Donc, il n'y a pas d'articulation au bras et le chirurgien doit être auprès du patient aussi. Donc, c'est ça. La chirurgie robotique, comme je dis, peut offrir plusieurs avantages déjà aux chirurgiens. La précision visuelle de la caméra 3D, comme je disais tantôt, en haute définition, c'est vraiment génial. C'est de beaucoup supérieur à la caméra qui est utilisée dans la laparoscopie. La précision gestuelle aussi, qui est grandement améliorée, déjà à cause des articulations des bras robotisés, mais aussi à cause de la compensation de l'appareil pour les tremblements du chirurgien. C'est sûr que les chirurgiens expérimentés ne vont pas avoir un tremblement excessif, mais quand même, c'est un avantage assez important. Ça va aussi leur permettre permet de régler des cas beaucoup plus complexes, à la fois à cause de la précision de l'appareil, comme je le disais, mais aussi à cause du caractère qui est moins invasif là, des interventions. Uh-huh. Donc, comme on n'a pas besoin d'ouvrir complètement, mais ça peut favoriser là, des patients qui ne pourraient pas être opérés dans d'autres situations, pourraient l'être grâce au robot. OK, je comprends. Ça va rendre aussi leur travail moins fatigant, puis ça pourrait accroître leur capacité de concentration parce que la console est conçue de manière vraiment ergonomique. Donc, comparé à être vraiment au-dessus du patient pendant des heures, cette console-là va vraiment donner un gros avantage aux chirurgiens. Donc, moins de blessures professionnelles. Oui, c'est ça aussi. Puis, ultimement, le fait que la console soit carrément séparée du chariot, donc elle est vraiment hors du champ opératoire, ça pourrait permettre là, éventuellement les opérations à distance. Je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais justement que le chirurgien n'est pas... C'est ma question. C'est ça. Le chirurgien n'est pas obligé d'être à côté du patient. Ça, c'est vraiment okay. nouveau. Là. Okay. Donc, c'est ça. Par exemple, un chirurgien en cardiologie pourrait opérer un cas complexe à plusieurs centaines de kilomètres là, de cet hôpital-là. Les avantages pour les patients ne sont pas négligeables aussi. On parle là, d'une diminution des saignements, donc une réduction des transfusions, une diminution des risques d'infection parce qu'il n'y a pas... ouverture complète, des douleurs post-opératoires. La durée moyenne d'hospitalisation aussi est raccourcie en général de 1 à 2 jours, ce qui est quand même très important, mais ça peut aussi passer là, pour certains types de chirurgie de 8 à 2 jours. Là. Ça, ça représente des avantages à la fois pour le système de santé, mais aussi pour le patient qui peut retourner plus vite chez lui. Les cicatrices aussi sont plus petites que celles laissées par la laparotomie, mais sont semblables, par exemple, à ceux qui résultent là, d'une laparoscopie. Les effets secondaires aussi peuvent être réduits, comme par exemple, lors de l'ablation de la prostate, une plus grande précision pourrait permettre là, d'éviter vraiment les nerfs érectiles et donc de favoriser... De diminuer les risques d'impuissance, c'est exactement. Ça, okay. Donc, déjà, on a fait des avancées là-dessus, mais ça pourrait permettre encore plus d'aller vers là. OK. Et maintenant, si on parlait des désavantages, il doit y en avoir, j'imagine. Oui, c'est ça. Malgré tous ces avantages-là, il y a aussi des limites au robot. Là. Déjà, il y a la courbe d'apprentissage du chirurgien. C'est pas inné de pouvoir utiliser ça. Ça prend, on dit, entre 12 et 18 cas pour qu'un chirurgien puisse se sentir à l'aise avec la machine. Donc, la formation est importante. Oui, très importante. Puis, c'est comme je disais, c'est pas tous les chirurgiens qui vont pouvoir apprécier cette technique-là au départ parce que ceux qui pratiquent la laparotomie utilisent beaucoup le sens du toucher là, lors de l'intervention, ce qui n'est pas possible là, avec la machine. Donc, il peut avoir un certain malaise dû à la perte là, de dextérité, si on peut dire. Là. Ça peut être important. Ce qui est probablement à peu près inexistant pour les chirurgiens qui font par la laparoscopie. Le désagrément, par exemple, qui est le plus important, c'est le coût. Le prix. Donc, c'est ça. Outre le coût d'achat, là, comme on l'a dit tout à l'heure, environ 3 millions de dollars, on doit aussi tenir compte du coût d'achat initial des instruments qui vont au bout de chaque bras, de leur remplacement au fil du temps et des coûts d'entretien. C'est ça. Il y a un rapport qui a été publié en 2010 par le CHUM, qui utilise là, déjà depuis quelques années un robot comme ça pour différents types de chirurgie. Puis, on évalue à 2000 $ de plus le coût d'une opération à l'aide d'un robot par rapport à une chirurgie classique. Sauf que ces chiffres-là ne tiennent compte seulement de l'opération en tant que telle. Et non, comme du fait que l'hospitalisation est moins longue. C'est ça. Mais ils ne tiennent pas compte et des frais de l'hospitalisation qui est diminué, mais ils ne tiennent pas compte non plus des frais d'entretien. Donc, sûr que la différence est quand même importante, mais ça pourrait quand même se réduire là, si on tenait compte de toutes ces variables-là. J'ai pas trouvé, en fait, de chiffres vraiment exacts là, qui peuvent nous dire sans aucun doute ça coûte plus cher ou ça coûte moins cher et de combien, mais bon, toutes ces données-là là, nous donnent une petite idée de ce dont ça peut avoir l'air. Alors maintenant, si on parlait des réactions des patients face à cette nouvelle technologie, est-ce que c'est bien accepté, ça? Mais en général, c'est quand même bien accepté. Mais bon, quand on parle de robot, on peut tous quand même avoir une petite appréhension. Là, quand on peut se faire plein de scénarios dans notre tête. Qu'est-ce que c'est un robot? Oui. C'est ça. Mais c'est quand même contrôlé par un chirurgien. C'est ça. En fait, le robot n'a aucun pouvoir de décision. C'est contrôlé à 100% par le chirurgien. Donc, il n'y a pas de mauvaises décisions qui peuvent être prises par la machine. Fait que ça, c'est un élément très important. Le seul danger, si on peut dire, qu'il pourrait y avoir, c'est s'il y a une panne, soit par exemple de courant, une panne de l'appareil pendant la chirurgie. Sauf que les chirurgiens qui utilisent cet appareil-là sont d'abord formés pour faire des chirurgies ouvertes classiques. Donc, le chirurgien... Il va finir comme à la main, si on veut, là, mais la chirurgie va être terminée, puis vous ne serez pas en danger à ce moment-là. Mais c'est à peu près le seul danger qu'on peut voir à propos de ça. Enfin, mais en dernier lieu, les perspectives qui peuvent découler de l'utilisation d'un robot au niveau scientifique, mais aussi pour les patients, c'est assez intéressant. C'est une merveilleuse porte d'entrée, en fait, pour la télémédecine dans ce domaine-là. Comme on voit déjà en pathologie, par exemple, là, des pathologistes aux quatre coins de la planète qui regardent des cas spécifiques. Puis, ça pourrait être la même chose dans ce cas-là, d'avoir un chirurgien à l'autre bout de la planète spécialiste, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a certaines équipes de recherche là, dans la région de Québec, même, qui travaillent sur des projets qui permettraient d'aller plus loin que la vision 3D haute définition et de diriger vers la vision microscopique. Ce serait donc d'augmenter encore plus la précision du geste du chirurgien et de diminuer là, les effets secondaires à long terme, comme je disais tout à l'heure. Il y a d'autres projets intéressants qui vont se pencher, eux, sur le marquage des cellules cancéreuses directement chez le patient. Ça permettrait comme de faire allumer les cellules cancéreuses directement chez le patient et à ce moment-là, là, c'est ça, le chirurgien pourrait faire mieux son travail encore. C'est-à-dire que le chirurgien les verrait carrément allumés? Exactement. Okay, pas rien que le robot avec des ondes, c'est ça vraiment? Non, ça serait vraiment le chirurgien qui pourrait voir comme les petits points enlevés finalement. Exactement. Donc, ça pourrait permettre d'enlever là, les extensions du cancer, par exemple. Donc, on espère là, que la venue de ce robot-là dans la ville de Québec va amener des avantages à la fois pour les patients, pour les chirurgiens et pour les chercheurs de la région. Oui. Juste en termes de ma chronique, je veux revenir un petit peu sur sur ce dont j'avais parlé le mois passé. Je vous avais parlé que le Movember s'en venait. On est le 1er novembre aujourd'hui. Donc, le retour des moustaches, je vous invite à la porter fièrement. Et pour les auditeurs qui veulent se joindre à l'équipe Pile Poil, qui est mon équipe, vous pouvez le faire sur le site du Movember. Et vous pouvez aussi participer à la conférence dont j'avais parlé, là, Quoi neuf dans le traitement du cancer de la prostate, qui est donnée par la Fondation Procure et qui se tiendra à l'Université Laval le 6 novembre prochain. Alors, merci beaucoup, Vanessa, pour cette présentation du robot et de des possibilités qu'il offre. On passe maintenant en pause musicale sur CKRL et au retour, on vous parle de la résistance aux antibiotiques.